Mon 97 tarif précieux, prétentieux, ok. Mon 97 tarif précieux, prétentieux, comme un rhum vieux à 200 000 E. Pas d'hiver dans nos broussailles, tant de faits divers. On est si large quand on est tous là, tu nous trouves là-haut. Là où le rap se fait défoncer la nuit, façon où la roupe ça s'appelle. Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Saint-Martin, Saint-Barth, Marie-Galante, les Saints, désirables. Indésirables on est, guerriers brûlés, au rayon ultraviolet. Dans des draps bleu, blanc, rouge, c'est violent. Marianne se prend des kilomètres de guirlandes. Des putains de voix bandées, bien longs, à faire hurler les sirènes de Babylon. Bientôt je sais, on meurt pour un peu d'eau. D'ici là on vient chercher nos biens et un peu d'honneur. La mélodie, écoute-la, t'entends. Elle parle de nous avec le langage du coutla. Mon rap pulquin boit, il est né au milieu d'un quatre chemins entre champagne et champagne. Ok, un par un, on vient vous coquer. Depuis le temps, on a du sperme à déstocker. 97, 4, 3, 2, 1, peu de piment dans le ciment, du feu dans les excréments. 97, en Cunha, Guadamada, Réunion, Guyana. Prends tes clics et tes claques, on débarque, oh. On investit ce move comme si c'est nous qui l'avons trouvé. 97, en Cunha, Guadamada, Réunion, Guyana. Il s'agit de fermer sa grande gueule. On arrive au compte-goutte, mais sans doute, on va régler ça au coup-coup. Mon 97, zinzin. Parce que mine de rien, mon île natale, une mine d'or à l'ouest des Indiens. Comment ça ils nous ont pris en guet-apens? Un clown, un trave et une blonde qui fait le tapin. Oh, ces dernières fois ça arrive les autres. Si nous ka ou point zot, ils caillent l'eau des autres. Bouh, allez lui traduire ses paroles. Car à l'heure qu'il est, je doute que la folle sache parler créole. On réalise le pensable, unifié mon archipel en poster sous le même code postal. J'agrafe mes putains de pensées sur les murs de leur conscience. 97, j'ai confiance, c'est pour 1 million de pictis. De là-bas ou d'ici, on nous dit, on nous parle pitié. Ne pousse pas la haine des borderline, sinon le fou un bordel à te foutre au bord des larmes. C'est ma strafe, t'as vu, West Indies grabu. J'attrape putain d'instru par la peau du cul. Représente pour eux les tempéraments de feu. Pour 2400 eux, on casse en deux. On a les couilles pleines et le sablier vide. Si seul Dieu décide, je veux la gloire avant les rides. Aujourd'hui je fuck la patience. Enfant de bonne famille, je montrais mon corps à tous les passants. À l'école, j'attendais juste la cloche de 5 heures. Pourtant ce putain de bac, je lui ai cassé cette gueule. On n'a plus le temps, donc on y va au culot. Comme si on avait le diable au cul. 97 en Cunha, Guadamada, Réunion, Guyana. Prends tes clics et tes claques, on débarque, oh. On investit smooth comme si c'est nous qui l'avons trouvé. 97 en Cunha, Guadamada, Réunion, Guyana. Il s'agit de fermer sa grande gueule. On arrive au compte-goutte, mais sans doute, on va régler ça au coup-coup. 97 en Cunha, Guadamada, Réunion, Guyana. Prends tes clics et tes claques, on débarque, oh. On investit smooth comme si c'est nous qui l'avons trouvé. 97 en Cunha.